Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La saga des favorites, c'est le titre d'un nouvel ouvrage que Jean Descartes fait paraître chez Perrin. Franck Ferrand l'a invité à nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Parmi les favorites que nous raconte si bien Jean Descartes, elles sont toute une pléiade. J'ai retenu le cas unique, éclatant de Lola Montès. Autant vous dire que nous allons voyager aujourd'hui à ses trousses. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Frédéric sur l'origine des sous-vêtements. Eh bien pourquoi pas, pour rester dans le thème. Je vous dirai comment sont nés les soutiens-gorge et les petites culottes. Après tout, ça n'aurait pas forcément déplu à Lola Montès. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le plus souvent, les auteurs que je reçois dans cette émission défendent la mémoire des personnages sur lesquels ils ont écrit. Eh bien, ce n'est pas le cas de Jean Descartes, qui, autant le dire d'entrée de jeu, n'aime pas vraiment Lola Montès. Chez elle, écrit-il, tout est mensonge, audace, hardiesse, arrogance, insolence et indécence. Quand elle se dit danseuse espagnole, cela lui sert d'état civil, de prétexte, d'alibi et de moyen d'existence, et cache mille et une vies, mille et une vies. En effet, se cache derrière cette globe-trotteuse, cette aventurière qui, au milieu du 19e siècle, devient la plus puissante maîtresse d'un roi. Et pas n'importe quel roi, le plus artiste, le plus visionnaire de son temps. Lola Montès se trouve au cœur, on peut dire, des trois grands conflits de son époque. D'abord en Angleterre, elle est l'enjeu d'un débat de société très important qui fait rage entre la tendance victorienne et ce qu'on appelle l'école de Manchester, c'est-à-dire entre le puritanisme et le libéralisme, entre la fermeture sur l'ordre moral et l'ouverture sur des mœurs nouvelles. À l'échelle de l'Europe, elle est un acteur important de ces révolutions qui vont opposer d'un côté les monarchies absolues, fidèles à l'ancien régime, et de l'autre les monarchies constitutionnelles et surtout les républiques favorables à la souveraineté populaire. On est en plein mouvement de révolution de 1848. Bien sûr, on va y revenir dans le détail. Et puis, d'une façon peut-être encore plus générale, à l'échelle de l'Occident entier, Lola va faire figure d'emblème romantique dans la confrontation entre le vieux monde, sûr de ses valeurs, et les terres nouvelles, l'Amérique, l'Océanie, etc., où tout paraît à inventer. Vous mesurez donc l'importance de ce personnage. Or, dites-vous que Lola Montès n'a vécu que 42 ans et qu'elle n'était partie de rien, ou on va dire quasiment rien. Il semblerait, pour autant qu'on puisse l'affirmer, parce qu'avec elle, il faut tout prendre quand même avec des pincettes, qu'elle soit née en 1818, en Irlande, ça c'est certain, de son vrai nom Maria Gilbert, ou Gilbert, par un effet de mode, sa mère Margaret l'a prénommée Maria Dolores, ce qui va donner pour diminutif Lola. Son père, c'est le lieutenant Gilbert, un officier sorti du rang. On peut dire que c'est un statut qui n'est pas très confortable lorsqu'on se remet dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire dans ce milieu ultra-conservateur que peut être l'armée anglaise du 19e siècle. Quant à sa mère, Miss Oliver, c'est une aristocrate anglaise, irlandaise, et c'est toute la différence. Petite noblesse irlandaise, vous savez, ces familles où l'on constate à la fois beaucoup d'audace, un peu de misère et puis presque génétiquement cette beauté farouche et indomptable. Au 19e siècle, la destination naturelle des émigrants de toutes ces îles britanniques, ce sont les Indes, bien entendu. Et la petite Lola n'a guère que 4 ans lorsqu'elle prend la route avec ses parents. Alors attention, à l'époque c'est un voyage gigantesque, Madère, Sainte-Hélène, le Cap, Calcutta, etc. jusqu'à Dinapour où on se retrouve finalement. En 1823, donc elle a encore 5 ans, la petite, elle est orpheline de père, son père meurt du choléra, et sa mère très vite va se remarier avec le meilleur ami du défunt mari, le capitaine Craigie, qui de capitaine va devenir colonel, puis général. C'est lui qui élève Lola et il va l'élever, disons-le, de manière princière, ça c'est important. Il lui fait donner tout de suite des cours de maintien, il lui apprend la littérature, c'est, on va dire, dans ce dans ce contexte assez favorable finalement que vont naître le goût et même l'amour de Lola Montes pour la beauté, pour la grandeur, pour la liberté. Elle a à peine 18 ans lorsqu'elle rentre en Europe, elle s'installe en Écosse. Alors la tradition pour les jeunes filles des colonies, c'est de terminer à l'époque leur formation en métropole. Donc Lola habite chez les parents de son beau-père qui sont des commerçants puritains à Montrose et pour finir son éducation, en quelque sorte, pour parachever l'ensemble, on l'envoie à Paris. Paris qui est la grande capitale de l'époque, bien entendu. Il faut vous dire que pour leur fille, les parents de Lola rêvent d'un beau mariage. Ils ont un projet très déjà bien prévu pour elle. Or, celui qui va lui apprendre ça, c'est un jeune et bel officier qui s'appelle Thomas James et qui lui apprend tout. Il est arrivé en France avec la mère de la jeune fille. En fait, ses parents veulent la marier avec un juge installé aux Indes. Il s'appelle Abraham Lemley, c'est un monsieur de 62 ans qui sert à 20 000 livres de rente. Alors évidemment, ça pèse dans la balance. Mais Lola n'en veut pas de ce mari-là. Elle pleure. Finalement, elle se laisse... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est partie prenante. Hein. Elle se laisse enlever par le jeune Thomas James. Et les voilà qui vont mener une vie un peu aventureuse, disons-le. Finalement, Lola épouse donc ce jeune homme, ce petit officier sans fortune, qui va se révéler alcoolique, infidèle. Il vit 20 ans au manoir familial de Castle Row. Et puis finalement, James prend une maîtresse. Alors je vous passe toutes les scènes de ménage. Et finalement, ils vont partir ensemble pour Karmal, en Inde. Et là, l'officier abandonne Lola, d'ailleurs pour une de ses meilleures amies au passage. La mère est ulcérée. Tu vois, ma fille, si tu nous avais laissé te marier comme il convenait. Lola est bien sûr un peu secouée par tout ça, mais pour tout vous dire, elle est déjà bien au-delà et bien au-dessus. Elle a un corps de rêve, elle a avec une peau d'ivoire, ce qui à l'époque était idéal, de très grands yeux d'un bleu profond avec des cils de 3 km de long qui lui donnent une expression absolument irrésistible. Et lorsqu'elle revient en Europe, elle n'a aucun mal sur le bateau qui la ramène à choisir en quelque sorte son amant du moment. Ça va être un certain Charles Lennox qui fait donc de Lola sa maîtresse, mais qui du même coup, n'oubliez pas dans quelle société on se trouve, qui du même coup en fait une femme déchue. Déjà, elle passe pour une courtisane, c'est important de le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle elle va se tourner vers le théâtre d'ailleurs, qui est la seule carrière possible pour ce genre de femme. Alors, il faut vous dire qu'elle a pris des cours de danse andalouse, elle danse la cachucha, le fandango, et elle devient danseuse espagnole au Her Majesty's Theatre. Elle se fait appeler Señora Lola Montes de Séville. Oui, tiens, mon œil. Et elle adopte cette devise, ce que Lola veut, Lola l'obtient. Mais une fois encore, les portes ne vont pas tarder à se refermer devant elle. Alors, elle décide de se rendre à Paris. En passage, elle fait une halte à Bruxelles, parce qu'elle a toutes sortes de problèmes financiers sur lesquels je n'insiste pas. Elle va rencontrer un intellectuel allemand qui tombe complètement sous son charme et qui l'emmène avec lui en Pologne, à Varsovie. Et c'est là qu'elle va commencer vraiment à faire parler d'elle, parce que en 1843, la Pologne est sous le joug de l'Empire russe. Il y a une grande révolte qui est en train de monter. Le vice-roi, qui est un russe, hein, Paskievitch, fait régner la terreur. Or, il est conquis par Lola Montes. Il veut devenir son amant. Sauf qu'elle n'est pas du tout d'accord. Alors, vous savez, dans les théâtres à l'époque, il y a ce qu'on appelle une claque qui est là pour applaudir, quoi qu'il arrive, les comédiens. Mais sauf que là, évidemment, à partir du moment où elle refuse d'être la maîtresse de Paskievitch, du jour au lendemain, la claque se met non plus à l'applaudir, mais à la siffler. Et bien sûr, il y a des jeunes gens qui sont là dans la salle et qui, eux, prennent parti pour Lola Montes. Donc, Paskievitch décide finalement de la faire arrêter, sauf que quand on arrive pour l'arrêter à son hôtel, elle reçoit les agents de police avec un revolver à la main, elle les met en fuite. Et c'est le consul de France qui va lui permettre de quitter le pays. Voilà donc Lola Montes de nouveau sur les routes. Elle arrive bientôt à Berlin et là, elle fait la rencontre alors d'un grand personnage, le premier de sa vie véritablement, celui qui devient son amant, son coup de foudre du moment, le grand pianiste Franz Liszt. Georges Auric sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film de 1955, Lola Montès. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire sur Europe 1 et vous nous parlez, Franck Ferrand, de la vie de Lola Montès. Alors Lola Montès est devenue, je vous l'ai dit, la maîtresse de Franz Liszt. Oh, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ça dure pendant la fin de l'hiver 1843, le printemps 1844. Et ils vont filer le parfait amour à Dresde. Et puis, pour des raisons un peu mystérieuses, cette liaison ne dure pas. Bref, Lola se retrouve à Paris au début de l'été 1844. C'est pas rien, Paris, à l'époque. On est sous la monarchie de Juillet. Hein. C'est le Paris de Louis-Philippe, de Balzac, de Victor Hugo. Elle est déjà très célèbre à l'époque. Hein. Elle est non seulement connue comme danseuse, mais surtout comme demi-mondaine, comme courtisane, on dirait un peu plus tard, comme grande allongée. Gustave Claudin écrit « Lola Montès était une charmeuse. Il y avait dans sa personne un je ne sais quoi de provoquant et de voluptueux qui attirait. Elle avait la peau blanche, des cheveux ondoyants comme des pousses de chèvrefeuille, des yeux indomptés et sauvages et une bouche qu'on aurait pu comparer alors à une grenade en bouton. Ajoutez à cela une taille lancinante, des pieds charmants et une grâce parfaite. Par malheur, elle n'avait comme danseuse aucun talent. » Bon, c'est pas tellement grave. Ça va pas l'empêcher de devenir la maîtresse d'Alexandre Dumas, fils à cette époque-là, puis de Léon Dujarrier, important Dujarrier, parce que c'est le directeur d'un grand quotidien qui s'appelle La Presse. Elle est amoureuse de lui, donc ça change un peu. Et il se trouve qu'il va être tué en duel, lui. Il s'est pris au collet avec des journalistes envieux, probablement. Toujours est-il que pour Lola, c'est le début d'un nouveau chapitre. Parce que d'une part, Léon Dujarrier lui a laissé 25 000 francs, ce qui est une somme assez confortable. Et que d'autre part, elle a acquis, à travers lui, une certaine renommée. Elle part de Paris, elle se rend à ce moment-là à Munich. Munich, véritable capitale artistique de l'Europe à l'époque. Hein. C'est l'Athènes du Nord, comme on dit. La capitale de ce roi artiste qu'est Louis Ier de Bavière. Alors, Louis Ier de Bavière, un Wittelsbach. Autant dire quelqu'un, vous savez, ce sont des originaux hein, dans la famille. Il y a un certain nombre d'exemples, évidemment. Lui a une espèce de passion pour les femmes, pour la femme. Il a d'ailleurs constitué une étonnante collection de nus. On en parlera tout à l'heure avec Jean Descartes. Et on peut dire que cet homme à femme a consacré son règne aux arts, à la restauration des beautés antiques. Il mène, on peut dire, son royaume vers une forme de Parnasse. Alors il le mène d'une main de fer, dans un gant de velours certes, mais d'une main de fer. Et Louis Ier va donc découvrir Lola. Et là, alors là, on ne sait pas ce qui se passe, il tombe complètement sous le charme. « Je ne sais comment, mais je suis encercelé », dira-t-il à ses propres ministres. Lola va faire ses débuts le 12 octobre 1846 sur la scène de l'Opéra de Munich. 3 représentations seulement, parce que le public bavarois n'est pas très complaisant. Hein. Alors les sifflets sont assez nourris. Il faut vous dire que le public est composé beaucoup de conservateurs et même de puritains, né en Bavière, il ne faut pas l'oublier. Le roi lui dit « Eh bien écoutez, puisque le public ne sait pas vous apprécier à votre juste valeur, désormais vous ne danserez plus que pour moi » et elle devient sa favorite. Il lui offre assez vite un bel hôtel, baptisé Fürstenried. Le roi va la faire baronne Rosenthal et même comtesse de Landsfeld. Ce sera le 25 août 1847 pour ses 29 ans, vous voyez. Et on peut dire que à partir de ce moment-là, elle joue un véritable rôle politique car elle influe sur les décisions de la monarchie bavaroise. Lola n'a pas d'idée au départ très arrêtée sur la politique, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sait repérer ses ennemis et les circonvenir. À Munich, elle a d'emblée senti l'hostilité des milieux catholiques, ces milieux bavarois assez durs, et donc elle va user de son influence pour essayer de défendre sa position. Pas oublier qu'à l'époque, la Bavière est un des plus solides bastions du camp des monarchies absolues. Un nouveau gouvernement va donc être constitué, on va dire inspiré par Lola Montès, gouvernement à tendance laïque et libérale. En décembre 1946, un décret est promulgué pour ôter l'enseignement public aux frères et les confier à des laïcs. Vous voyez que ça va quand même assez loin, ça commence à faire du bruit dans la population. Louis Ier est complètement sous influence, ça se sait. Or, on est en 1847. À ce moment-là, quand en Suisse, c'est la guerre civile du Sonderbund, vous savez, les jésuites qui ont été chassés se voient refuser l'asile aux frontières bavaroises. Donc ça commence vraiment à aller très mal. Il y a à partir de là un déchirement, une sorte d'opposition entre deux partis, et notamment des partis qui se recrutent à l'université parmi les étudiants. D'un côté, les Alamans, qui sont les partisans de la comtesse, et de l'autre, ces catholiques militants qui voient en elle un véritable diable. Par exemple, au moment du renvoi du Premier ministre trop conservateur et trop catholique, un professeur avait écrit à l'homme destitué pour lui témoigner de son soutien. La lettre a été interceptée, le bonhomme en question a été limogé, immédiatement les élèves catholiques sont venus lui manifester leur solidarité, les autres, enfin vous imaginez, ont fini par créer de véritables émeutes sous les balcons de notre Lola Montès, qui évidemment n'est pas du genre à se laisser faire. Alors elle apparaît au balcon avec à la main une coupe de champagne et dans l'autre main du chocolat qu'elle déguste devant les étudiants pour les narguer. Ça commence à sentir singulièrement la révolution. Et ce qui est étonnant, c'est que faut pas oublier qu'on est là en février 48, au moment où la révolution va naître en France et chasser Louis-Philippe du trône, et au moment où, d'une façon générale, un vent révolutionnaire est en train de balayer l'Europe entière. Elle devient un emblème, Lola Montès. Pour vous donner un exemple, à Londres, le journal satirique The Punch la représente en héroïne avec sur le piédestal de sa statue cette nouvelle devise qui lui va somme toute très bien: liberté et cachucha. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de la favorite Lola Montès. Oui, alors cette Lola Montès, finalement, est devenue un véritable problème pour la monarchie bavaroise. Et le roi, qui dit lui-même, d'ailleurs, je ne suis plus que l'ombre d'un roi, et qui a, à cause d'elle, d'une certaine façon, a laissé la zizanie s'installer dans son petit pays, dans sa Bavière, est contraint d'abdiquer au bout de 6 semaines, vous imaginez. Et en plus, il confiera que sa liaison avec Lola Montès a toujours été chaste, comme quoi, finalement, c'est un phénomène, cette bonne femme. Alors, elle se barricade avec 4 Alamans, les fidèles d'entre les fidèles, et puis finalement, la Suisse lui offre l'asile. De là, elle gagnera l'Angleterre, et l'on se dit, et d'ailleurs un certain nombre de biographes se disent, bon ben, c'en est fini, c'est terminé pour ce qui est de la vie de Lola Montès. Eh bien, en fait, pas du tout, c'est faux. Parce qu'elle vivra encore bien des aventures. Elle va aller à Londres, où elle monte une pièce de théâtre qui raconte sa vie, la pièce... le scandale, son ancien mari lui fait un procès pour bigamie parce qu'entre-temps elle a épousé un officier des Lifeguards, elle part pour les États-Unis, elle va jouer sa propre vie sur la scène du Broadway Theater avant même que le célèbre Barnum la repère, vous savez, l'homme de cirque. Et alors lui, il va inventer une attraction un peu étonnante, c'est-à-dire que pour $1, vous alliez faire le baise-main à Lola Montès. Vous imaginez comme ces après-midi devaient être amusantes. Donc elle va monter ensuite une danse érotique de l'araignée qu'elle ira jouer jusqu'au Théâtre Royal de Melbourne. Elle met littéralement l'Australie en révolution. On sait que notamment les mineurs, les ouvriers des mines, la bissent avec frénésie quand elle vient jouer. Et puis, après tout ça, elle va tomber amoureuse d'un Allemand qui s'appelle Karl Adler, qui meurt d'un accident et d'un seul coup, elle se convertit au méthodisme. Et c'est la même femme qu'on va voir, alors en plus elle fera un accident cérébral, ce qui n'arrangera pas les choses, mais c'est la même femme qu'on verra voilée tout en noir, très rigoriste, et se promener ensuite avec une Bible par les rues pour prêcher la bonne parole et demander aux gens de mener une bonne vie. Finalement, parce qu'à force de mener cette vie puritaine, elle est trop exposée sans doute au courant d'air, elle contracte une pneumonie, elle mourra en janvier 1861 à New York dans un gourbi. Elle aura vécu, je vous dis, seulement 42 ans. Mais alors, quelles années ! Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Litz sur Europe 1, c'était un extrait de La Campanella interprété par Georg Ziffra. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous parlez, Franck Ferrand, de Lola Montès et autres favorites avec votre invité Jean Descartes, historien, journaliste, écrivain, auteur de la saga des favorites aux éditions Perrin. Et oui, bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Merci de nous avoir rejoints pour parler d'abord de Lola Montes et puis de toutes les autres, hein, parce que vous avez brossé une magnifique galerie de portraits. C'était un personnage extraordinaire, quel foisonnement, quelle vitalité incroyable. Elle semait la pagaille partout où elle passait. Alors c'est un cas unique, à mon avis, dans toute la série de favorites que j'ai répertoriées, parce que jamais on a vu une telle faculté de désordre, de scandale, politique, familial, de mœurs, en tout genre, avec une femme, et à une telle échelle internationale, puisque en plus, comme vous l'avez rappelé, elle a fait des voyages qui étaient quand même compliqués et difficiles à l'époque, de l'Australie au Canada où elle a vécu avec des ours, en passant par l'Europe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle avait un instinct extraordinaire de survie par le scandale et par la provocation. C'est quelqu'un qui s'est programmé une existence en choquant les autres. C'est son immense talent, puisque le reste, en matière de danse, c'était plus que limité, comme disait Théophile Gautier. Bon. C'est une imposture ambulante, et je dois dire que, sans l'aimer, j'ai une certaine admiration pour son énergie et sa résistance. Et alors, il y a une chose intéressante dans le mouvement révolutionnaire que vous annonciez. C'est un cas unique où, en 1848, alors que l'Europe, en dehors de l'Angleterre et, on va dire, de la partie européenne de la Russie, tremble, et que les monarchies tremblent sous l'effet du printemps des peuples, comme on le dira, elle réussit, en Bavière, à personnaliser, je dirais, la révolution, mais... C'est une sorte de passionnariat. Alors c'est une passionnariat, mais avec une curiosité qu'il faut tout de suite rappeler par rapport à ce qui se passe en Europe, c'est que le peuple, scandalisé par elle et scandalisé par ce qu'est devenu le roi Louis Ier, qu'il ne faut pas confondre avec son petit-fils Louis II bien sûr, va demander son départ à elle et non pas la chute de la monarchie. Ça c'est très important, on demande son départ à elle parce qu'elle symbolise le désordre. Désordre qu'elle a appelé, désordre qui est né sans elle mais qu'elle va personnifier. Et le roi Louis Ier, ne voulant pas se séparer de cette femme à qui il écrivait « Tu viens régénérer une inspiration lasse », abdique. Donc c'est lui qui s'en va, mais la population et les autorités en tout genre ne voulaient pas du tout le changement de régime. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est assez fascinant dans le personnage de Lola Montes, c'est qu'au moment où la Bavière se dresse contre elle, et notamment Munich, hein, et tous ses étudiants catholiques qui viennent faire des sit-ins, comme on dirait nous aujourd'hui, sous ses fenêtres, habituellement, et on a vu ça toujours dans l'histoire, on essaie de calmer le jeu à tout niveau. On a toujours trouvé des personnalités qui essaient... On pense par exemple, je ne sais pas si l'exemple se vaut, mais on pense par exemple à l'apparition de Marie-Antoinette au balcon de la Cour de Marbre le 6 octobre 1789. Le but est d'apaiser la population. Non, pas du tout. Elle arrive, elle a un fouet à la main. Enfin, mais c'est une... je dirais c'est le contraire d'un extincteur. C'est de la dynamite ambulante. On dirait que elle est née pour faire provoquer des explosions, des incendies, des catastrophes. Alors, ceci est très important, car dans l'histoire de la Bavière et dans l'histoire de l'art européen, l'abdication de Louis Ier fait venir son fils Maximilien sur le trône plus tôt que prévu. Maximilien, c'est le père du futur Louis II. Et lorsqu'il y aura un scandale politico-artistique provoqué par Richard Wagner pour sa liaison avec la femme de son chef d'orchestre, Cosima von Bülow, par ses engagements politiques qui remontent à la révolution de Dresde, également en 48, par ses embarras financiers, les dettes qu'il a laissées dans toute l'Europe, la population bavaroise, par une réduction un petit peu excessive, mais enfin ça s'explique, surnommera Wagner Lolus, en souvenir de Lola Montes. Parce qu'il est le favori de Louis II, comme elle était la favorite. Relation physique n'existait pas. Pas charnelle, Louis, voilà. Bonjour Franck, nous dit Brigitte. Il faut voir absolument la galerie des beautés de Louis Ier au château de Nymphenburg. Alors, il faut la voir, d'autant plus qu'elle se trouvait initialement au palais de la Residenz, dans Munich. Et que le peintre Joseph Stiller a été chargé par le roi de peindre les plus belles femmes du temps, selon le goût du roi, toutes conditions sociales confondues. C'est ainsi qu'on va y trouver la mère de François-Joseph, la mère du futur Louis II de Bavière, avec la fille d'un marchand de vin, avec la fille d'un cordonnier et la fille du révolutionnaire indépendantiste de la Grèce, Mademoiselle Botzaris. Toutes sont belles. Et quand on voit le portrait qui est en bas, et je vais le montrer dans quelques jours aux gens qui m'accompagnent en voyage, de Lola Montes, qui est tellement dans une austérité espagnole, avec un col en dentelle bien fermé, bien haut, bien sage, on se demande comment elle a pu provoquer tellement de révolutions. Ben parce que quand elle est arrivée dans le cabinet du roi Louis Ier, elle a carrément dénudé sa poitrine et elle a montré ses arguments. Oui, c'est ça. Alors, le costume n'était pas déchiré, il avait été volontiers... Il avait été volontairement un petit peu... Ouvert. Aéré. Alors, c'est donc une femme qui a un tempérament de scandale, de provocation, c'est sa tessée extraordinaire à ce point. Elle a mis la pagaille, le désordre partout, des duels, des révolutions, enfin, c'est effrayant. Mais est-ce que, alors, la pagaille mise à part, est-ce que finalement toutes ces favorites que vous nous racontez dans votre saga des favorites, qui est un très beau livre, en plus entièrement illustré, très joliment édité par Perrin, il faut souligner quand il y a cet effort d'édition, si je puis dire, est-ce que toutes n'ont pas ce côté forcément provocant? C'est quand même leur fond de commerce, si je puis dire. Eh bien non, Franck, il y a des favorites qui ont une influence très positive. Si on prend le cas de la première de l'histoire, Agnès Sorel, auprès de Charles VII, c'est une femme qui va aider un monarque qui a eu une enfance épouvantable, un père fou, une mère volage, un pays coupé en deux par les Armagnacs et les Bourguignons. Il y a deux rois en France, dont l'un, Henri V, est roi d'Angleterre et occupe le Louvre. C'est un cauchemar, donc on comprend sa dépression. Et en résumant, elle va, par sa beauté, par son talent et son intelligence, l'arracher à ses dépressions et d'autre part, l'aider avec le concours de Jacques Cœur à faire entrer la France dans le grand jeu du commerce international qui va du Moyen-Âge à la Renaissance. Bon, si vous prenez le cas de Madame de Pompadour, qui est une femme cultivée, qui a du goût, qui va faire naître un goût, un style Pompadour, avec des architectes, des ébénistes, des joailliers, des peintres, comme nous le savons, c'est déjà extraordinaire, mais en plus... Elle est l'ambassadrice du mouvement des idées des Lumières, puisqu'elle pose dans un célèbre tableau de Boucher à Versailles avec les volumes de l'encyclopédie, ce qui est faire venir, l'âme pré-révolutionnaire à Versailles. Donc c'est fantastique. Donc il y a une influence positive, si vous voulez, et il y en a qui ont une influence négative, comme Lola Montes ou Gabriel Destré avec Henri IV. Alors nous allons en découvrir un certain nombre et ça va nous permettre de voyager. On va s'en aller en Roumanie, en Belgique, bien entendu, en Russie. À vos côtés, Jean Descartes. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, vous nous parlez Franck Ferrand de Lola Montes et autres favorites avec votre invité Jean Descartes, historien, journaliste et écrivain, auteur de la saga des favorites aux éditions Perrin. Et oui, c'est un livre vraiment très agréable, très aéré, bien, vraiment bien illustré et édité que nous propose Jean Descartes avec un certain nombre de personnages inattendus. Parce qu'évidemment, Madame de Pompadour, Madame du Barry, ça, oui, quand on parle de favorites. Bien, Madame oui, du d'ailleurs, Barry, et c'est très bien, bravo. On l'a tellement caricaturé. Oui, on en fait y compris toujours. Sofia Coppola dans son film sur Marie-Antoinette. Oui, qui nous la présente brune quand même, alors oui, qu'elle était la blondeur. Bien sûr, puis qui la présente comme une tenancière de saloon, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Parce que même si c'était une fille entretenue, elle ne faisait pas le trottoir, elle faisait le boudoir, ce qui est différent. C'était différent. Ouais. Parlez-nous de Blanche de la Croix. Ça, voilà un personnage que j'ai, grâce à vous, en partie découvert. Oui, ça, je dois dire que c'est une chose dont j'avais entendu. Bon, l'ex-roi Albert II des Belges m'a ouvert très gentiment, pour la seconde fois, les archives du Palais Royal pour me plonger dans cette histoire incroyable d'une Française née en Roumanie, dont la famille était dans une petite industrie qui avait fait faillite et qui, un jour de 1900, à Paris, se trouvant à l'Élysée Palace, l'immeuble qui était celui d'un hôtel de la compagnie Wagon-Lit pour les passagers de l'Orient Express et qui est devenu le siège d'une banque après, elle traverse avec celui qui doit être son mari, oui. Après des aventures effrayantes et sans un sou, elle traverse le hall, et là, un spectaculaire vieillard d'1m95 est subjugué par cette jeune fille qui a 17 ans, qui n'est pas très belle, un peu vulgaire, mais sans doute assez sensuelle. Et disons qu'elle est assez commune, ça arrive, aux favorites aussi. Il est subjugué, c'est le roi des Belges, Léopold II, qui va tout faire pour vivre avec elle. Il a décidé qu'elle serait sa favorite. Alors, il est marié à l'époque, Il est un personnage considérable qui a été le propriétaire du Congo à titre personnel. Il a des liaisons un peu partout et la plus célèbre, avérée ou non, est avec Claude Mérode, au point que dans leur wagon-salon entre Paris et Bruxelles et Bruxelles et Paris, les cheminots ont surnommé le salon le Cléopold. Bon, bref, il tombe amoureux, littéralement, de cette jeune femme qui n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux, parce que dès le lendemain... Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est inattendu. Elle est prise en charge, il y a donc près de 50 ans de différence entre deux, ce qui est quand même pas mal. Il a cette barbe en rectangle qu'il met dans un sac, comme vous savez, les chevaux ont pour manger leur avoine. Lui, c'est pour se protéger de la pluie, donc il est assez spectaculaire, intelligent et caractériel. Il fera d'ailleurs de la Belgique, quoi qu'on en pense, un assez grand pays. Et il décide de vivre avec elle, mais alors d'une façon d'un érotisme peu conventionnel, en lui disant « vous m'appellerez très vieux », en expliquant que dans la Chine impériale, c'était un signe de reconnaissance exceptionnel, et il l'appelle très belle, ce qui prouve qu'il n'avait plus tout à fait sa raison, ou alors une très mauvaise vue, parce qu'elle n'était pas vraiment très belle. Et Blanche de la Croix, je résume, va être pendant 9 ans dans la vie du roi d'une façon spectaculaire, elle sera même aux obsèques à Bruxelles de la reine, et 3 jours avant sa mort en 1909, Léopold II l'épouse après des campagnes de caricatures extraordinaires, et je retiens un dessin qui est assez fabuleux, lorsqu'elle donne 2 enfants à Léopold II, ce qui entraîne toutes les suppositions, tous les sarcasmes, toutes les critiques bien sûr, on voit un dessin, ah, elle lui a donné 2 enfants avec l'aide de Dieu. Ah bon, je croyais que c'était avec l'aide de camp, vous voyez le genre. Et elle va finir veuve, si je puis dire, mais non reine des Belges, par se remarier avec celui qu'elle aurait dû épouser en première noce, dont elle divorcera, et ce garçon avait reconnu les 2 enfants que Léopold II avait eus avec Blanche de la Croix, cette Française, arrivée dans la famille royale belge dans une condition absolument romanesque. Fabuleuse histoire. Fabuleuse. Et elle, toute seule, ferait un beau roman. Je reviens de Belgique et je dois dire que même en Belgique, beaucoup de gens ne connaissent pas tous les détails de celle qui a été surnommée la baronne de Vaughan, un titre de fantaisie, et qui n'est morte que dans les années 1960, qui est enterrée au Père Lachaise. Donc une favorite, vraiment, alors on va dire sans influence politique directe, mais qui a provoqué un scandale dans la famille royale belge. Déjà, le roi avec ses filles, c'était assez compliqué, on l'appelait le roi Lear, par allusion à Shakespeare, ben, je dois dire que c'est très très cocasse. Parce que quand il l'avait vue dans ce hall en 1900, et qu'elle lui avait dit « Mais sire, je dois me marier dans 3 semaines », très bien, je passerai avant. Donc c'était autoritaire. Mais là, vous avez publié une photo d'elle. Alors on est dans les années 20, donc après, oui, la mort du roi Léopold. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du mal à oui, comprendre ce qu'il lui a trouvé. Là, c'est très spécial. Alors, non, mais il faut bien comprendre que la favorite n'est pas obligatoirement si belle que ça. Elle a un ascendant, de toute façon, si vous prenons le cas de Magda Lupescu, pour la couronne de Roumanie, voilà, à Carole II, on ne peut pas dire que ce soit une femme absolument belle, mais avec un instinct, un pouvoir de nuisance, une autorité sur les hommes, ça c'est aussi de l'essence de la favorite. Il y a des cas très particuliers, moi je mets toujours à part Diane de Poitiers, parce que je pense qu'elle était certes favorite en titre, mais qu'elle n'en avait pas vraiment la fonction, enfin j'ai écrit 3 livres là-dessus, donc on ne va pas y revenir. Il y a le personnage également de Katia Dolgorouki. Alors Diane de Poitiers, il faut quand même dire que c'est la naissance d'une intelligence dans les relations, puisqu'elle réussit à cohabiter avec Catherine de Médicis. Oui, chacune, oui, qui est sa cousine. Voilà, oui, passage. Chacune, oui, ça se passe en famille. Chacune sachant que si elle est chassée par l'autre, ça pourrait être pire. Donc elles ont intérêt à s'entendre. Mais alors, Katia Dolgorouki, voilà, auprès d'Alexandre II. Alexandre II, là aussi, il y a une gigantesque différence d'âge. Et le tsar de Russie, ce tsar si courageux qui a supprimé le servage en 1861 et qui sera victime, dans le fond, de réformes mal acceptées 20 ans plus tard, sera quand même aussi un cas. Alors c'est une fille ravissante qui a l'air très sage comme ça, qu'il a rencontrée à l'Institut Smolny, l'Institut des jeunes filles, et qui sera bien sûr dans la suite de la tsarine. C'est très pratique, le vivier des dames d'honneur, des demoiselles d'honneur, comme ça on peut piocher, n'est-ce pas ? Ça masque un petit peu les apparences pendant quelques temps. Et ce sera fantastique, mais compliqué, parce que le tsar de Russie, marié, est obligé d'avoir une vie clandestine quand il vient à Paris en 1867. Il ne peut pas la faire recevoir à l'Élysée. Vous me direz que Napoléon III, quand il était encore prince-président, n'avait pas osé non plus recevoir sa maîtresse à l'Élysée, donc il allait de l'autre côté de la rue Marigny. Alors, c'est assez amusant. Rue, oui. Et Katia est supposée avoir eu une dernière étreinte avec le tsar le 1er mars 1880, avant qu'il ne succombe des suites de l'attentat fantastiquement programmé et spectaculaire contre lui qui l'a éventré le long du canal Catherine à Saint-Pétersbourg. Et elle a quitté la Russie, où elle est morte en France en 1922. On peut voir dans la cathédrale orthodoxe russe de Nice une chemise qu'il portait lors de son attentat. Elle a été épousée, mais elle n'a pas pu être couronnée car la tradition russe veut que les souverains soient couronnés en même temps. Il avait déjà été couronné tsar de Russie. Votre ouvrage, La saga des favorites, s'achève sur un cas bien connu, pour lequel le moins qu'on puisse dire est que vous n'êtes pas tendre, c'est Wallis Simpson. Quelques mots seulement, parce qu'il nous reste peu de temps, mais un mot qui a été la compagne puis l'épouse du roi Édouard VIII d'Angleterre. Alors, elle est la compagne, elle est le mauvais génie du prince de Galles, le fils de George V, ensuite donc du roi Édouard VIII, puis de celui qui devient, à partir de la fin de 1936, le duc de Windsor. Bon, cette américaine vulgaire, qui a un instinct, elle aussi, de survie, c'est très important chez Vous l'avez rencontré. Je me souviens d'elle, un vrai serpent à sonnette, il faut bien le dire, avec son accent nasillard américain qui déplaisait tellement, est une femme qui va faire trembler l'Empire britannique, la monarchie britannique, ce que ni Napoléon ni Hitler, dans le fond, n'étaient arrivés à faire, en attaquant, en sapant les bases, en étant une dominatrice sur un homme faible, on peut dire les choses comme ça, mais qui a finalement tout raté d'une certaine façon quand il abdique pour elle et qu'il explique dans ce discours du 10 décembre 1936 qu'il doit quitter la couronne et sa fonction de monarque pour vivre avec la femme qu'il aime, elle dira dans la maison près d'Antibes où elle est à ce moment-là, quel idiot, parce qu'elle sait qu'elle a tout perdu, elle ne sera que duchesse de Windsor, et jamais Altesse Royale, et ça sera une existence vide, mondaine et sans intérêt, et toujours à l'écart de la famille royale. Elle a été prise à son propre piège, véritablement. La saga des favorites de Jean Descartes, c'est aux éditions Perrin, et c'est aussi bien raconté par écrit que lorsque Jean nous raconte ça avec son talent habituel à ce micro. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Frédéric qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission, qui souhaiterait connaître l'origine des sous-vêtements et savoir si c'est d'abord l'aspect pratique, hygiénique ou esthétique qui a guidé cette invention. Ah ben voilà, donc on est un petit peu sur la même longueur d'onde que depuis le début de cette émission, vous me direz. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que cette question, elle intrigue beaucoup de gens et pour tout vous dire, on me l'a souvent posée. Parce que vous voyez toujours des portraits soit totalement nus, soit très habillés, mais on se demande ce que portaient les gens en dessous, forcément. Alors, c'est pas si facile de répondre, c'est assez complexe même, mais on peut dire que au Moyen-Âge, on porte ce qu'on appelle la chemise. Et la chemise, ça descend très bas, hein, ça descend jusqu'au genou. Homme comme femme, en tout cas à partir du 14e siècle, parce que auparavant pour les hommes, c'est un peu différent. Et donc, cette chemise, c'était finalement quelque chose de très hygiénique, puisque ça permettait de tout cacher, de tout envelopper, en quelque sorte. Et puis, on portait les vêtements, simplement par-dessus. Alors, petit à petit, les hommes se sont distingués. Ils se sont mis à porter des culottes. Et ça commence assez tôt, hein, dès le 15e, 16e siècle, en vérité. Alors, on a par-dessus des chausses, vous savez, donc qui sont composées de hauts de chausses, c'est-à-dire la culotte elle-même, visible, et puis de bas de chausses, qui sont les bas, tout ce qu'on appelle tout simplement les bas. Pour les femmes, elles ne portent rien du tout. Et les femmes ne commenceront à porter la culotte, c'est le cas de le dire, de petites culottes, si je puis dire, que beaucoup plus tard, au 19e siècle seulement. Et même ce que nous appelons nous aujourd'hui la petite culotte, c'est une invention très récente qui est due à Pierre Valton de la marque Petit Bateau en l'occurrence. C'était en 1918, c'est lui qui invente ça. Quant au fameux soutien-gorge qui a l'air d'exister de toute éternité, autrefois, les femmes gardaient leur poitrine autrement, hein, dans des robes à balconnets, etc. Le soutien-gorge lui-même, il n'est inventé par Hermine Cadol qu'en 1889, c'est elle qui va mettre au point ce premier prototype de soutien-gorge. Donc vous voyez que on est en fait très très proche de nous finalement. Ce soutien-gorge, il est présenté sous le nom de Bien-être au moment de l'exposition universelle de 1889. Et ça paraît bizarre parce que 1889, c'est la fée électricité, c'est la tour Eiffel, etc. Mais je crois qu'on doit pouvoir dire que cette invention-là et cette présentation-là aura été ce qui aura eu le plus grand succès dans toute l'exposition. Alors, évidemment, avant de porter des culottes, les femmes portaient des jupons. Et alors, vous savez qu'elles en avaient un certain nombre, une certaine épaisseur. Et c'était tout une histoire, bien entendu. Les déshabiller était en soi un véritable sport. Sans aucune transition, bonjour Elena Mornand. Quel grand sportif vous faites. Alors moi j'ai une question de HD Hortense Diftin, je crois, qui attend votre chronique sur les marcelles, sur les maillots de corps et sur les strings. En attendant, nous parlons aujourd'hui avec les experts européens du statut des beaux-parents, celles et ceux, vous savez, qui élèvent les enfants de leurs conjoints et qui légalement ne sont à rien. Comment les vivez-vous au quotidien? Comment souhaitez-vous faire évoluer les droits des beaux-parents? Vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Merci beaucoup Elena. Demain nous parlons de Saint-Louis. Donc à demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire.